cours numéro 23. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Mada akhadna fi darsina al-akhir? Tfattal. Akhadna fi darsina al-akhir babay. Bab maja fi kuhan wa nahrihim. Bab maja fi nusra. Naam. باب ما جاء في الكهان ونحوهم فمن يعرف الكاهن سيكون الكاهن لبلوغيال الكهان عندما تفضل الكاهن هو الذي يخبره عن المغيبات في المستقبل نعم ومعرفته عندهم يتظاهر نعم الذي يدعي علم الغيب هذا هو الكاهن كسسوا عن طريق النجوم أو ما يسمى بالرمال توتسي طرق سيشرك بالله عز وجل كما تقدم لأن علم الغيب سمن خصائص رب العالمين جل وعلا ومن ادعى علم الغيب فقد أشرك بالله عز وجل فيما هو من خصائص الله celui qui prétend connaître l'invisible il a associé Allah subhanahu wa ta'ala dans une chose qui est réservée qu'à Allah عز وجل هذا لا شك أنه c'est du shirk فما حكمه الكاهن تفضل هو كافر وقع في الشرك الأكبر ما الدليل على هذا؟ نعم من خلاق أي من نصيب وهذا حال الكافرين إنما نحن فتنة فلا تكفر وفي هذا الباب أين الدليل على هذا؟ عندما تفضل قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعرض فانفق صدق بما يقول فقد كفر بما أنزل محمد صلى الله عليه وسلم أين وجهه الاستدلال فقد كفر لكن هذا من أتى celui qui va voir الكاهن نحن هنا في حكم الكاهن عندما أحسنت أن من زاره وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد ça c'est le حكم de celui qui صدق et qui croit aux informations du kahin et de ce sorcier de cette personne qui prétend connaître l'invisible فقد كفر بما أنزل على محمد فكو dire du kahin lui-même Si celui qui le rend visite, wa yusaddiquhu sa, lui-même yakfur billahi azza wa jalla, fama baluk bil kahin. Ahsant. Al-nushra, ma ma'na al-nushra? C'est le bab suivant, bab ma ja'a fi al-nushra. Alladhina ma ajabu, tfadda. Al-nushra, hala as-si'ra an-mas'ur. Ma ma'na hada? Hal as-si'ra an-mas'ur. Al-alaj. عن من؟ عند المسحور نعم العلاج أي فك السحر عن المسحور أي retirer le سحر de cette personne ensorcelée فهذا ما حكمه؟ النشرة ما حكمها؟ تفضل نعم في المسألة فيها تفصيل تفضل الأول نعم مشروع ما هو المشروع مشروع هو النشرة بالرقية مثلا لا يكفي ها المشروع هي التي بالرقية مشروع نعم بالرقية الشرعية بالقرآن بالأذكار al-adwiya al-mubaha, tout ça c'est permis. Tant que ce n'est pas fait avec une chose de haram. Al-thaniya, tfaddal, muharrama. Zed? Naam. فإن ذهب إلى الساحر عيادا بالله وصدقه إلى آخره فتقدم معنا الحكم de toutes ces مسائل. Et si ça atteint pas le niveau du kufr, ça reste haram et c'est très très grave. على كل حال لا يجوز d'aller voir السحرة même pour enlever السحر لأنه c'est pas un سبب شرعي ولا قدري فلا يجوز بل c'est une وسيلة من وسائل الوقوع في الشر والكفر. لأن ربما الإنسان يغتر بهذا الساحر ويحسن الظن به. C'est pour ça qu'il lui demande de l'aide, في الحقيقة. Même si c'est من حيث السببية, et en tant que سبب, لا يجوز. لأن هؤلاء, on doit les détester بالله. On doit mettre en garde contre eux. الهجر, الكلي. لماذا؟ لأنهم c'est des مفسدون, أشرار. أما aller le voir pour enlever le sahir, فأولا, ça lui donne de l'importance à ce sahir. Rabbam al-Naz, ils sont informés, Al-Fulan, il est parti voir un sahir, et ils pensent que tu as le droit d'aller le voir, à la kulli hal, ayyadam billah. Kadhalik, c'est un danger pour celui qui va voir ce sahir, Rabbam al-Yaghtarrubih. Yaghtarrubih, et il le croit dans tout ce qu'il dit, ayyadam billah. À la kulli hal, taqaddam ma'ana fi dars, anna man butuliya bi shay min hadha, annahu yasbir, et il fait l'asbab al-shar'iyya pour l'ilaj. Man yuri jaqra bab liyom tfadda. ولا حول ولا قوة إلا بك. وله من حديث ابن عباس مرفوعا ابن مسعود وله من حديث ابن مسعود مرفوعا الطيرة الشرك الطيرة الشرك الطيرة الشرك ومنا إلا ولكن الله يذهب بالتوكل. روى ابن جبل الترمذي وصححه وجعل أخره من قول ابن مسعود. وروى أحمد من حديث ابن عمر من ردت الطيرة عن حاجته فقد أشرق. قالوا فمن كفر بذلك قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن عباس إنما الطيرة ما أمضاها ردك. أحسنت. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب ما جاء في التطير. تقدم معنا الإشارة إلى هذا الباب أي ما يتعلق بالطيرة أو كذلك يديز التطير. أولا أنصت التعريف. التطير أو الطيرة في اللغة صافيان جمو طير أي أنوازو لأن العرب يتشاءمون أو يتفاءلون بالطيور. تقدم معنا dans le باب أو dans un des bab précédents زجر الطير أن العرب في الجاهلية regardaient les oiseaux. Si tel oiseau il prenait telle direction, pour eux c'était un bien. S'il prenait telle direction, c'était un mal. C'est ça, زجر الطير. فلهذا ils ont appelé التطير en se basant sur ce fait. أما في الاصطلاح فالطيرة هي التشاؤم بمرء أو مسموع. تشاؤم بمرء أو مسموع. والتشاؤم c'est l'اعتقاد أن كل الشيء يسير على غير ما يرام. Et ça c'est grave. Ayat tasha'um, c'est voir une chose et penser que il y aura une chose qui va se passer de mauvaise. Ba'dhum mathalan, si il voit un chat noir, enfin il pense que la journée il y aura telle chose de mauvais. Ou il comptait voyager et il a vu un oiseau prendre telle direction, enfin il annule son voyage. C'est ça, at-tayara. Ayyadan billah. Ils traduisent par les augures. لكن كما تقدم معنا التعاريف العربية سأوضح. فالاعتقاد أن كل شيء يسير على غير ما يرام. وبعض الناس عياذا بالله يبتلوا بهذا. أنهم يلفوا المال بختو. في الحقيقة الأمور طيبة. C'est pour ça que le contraire de الطيرة أو التشاؤم c'est التفاؤل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التفاؤل وسيأتي معنا إن شاء الله. على كل حال المسلم يفعل تنسيون à ces خرافات. والله بعض الناس vivent une vie ضيقة شدة. Ils se font beaucoup de mal à eux-mêmes alors que في الحقيقة ils sont في خير, ils sont en bonne santé, ربما ils ont de l'argent, ربما ils ont des enfants إلى آخره. لكن خرافات, ils voient une chose. Et la haqiqa, cette chose, elle n'a rien à voir avec le khayr ou le shar. Elle peut lui donner aucun bien ou lui repousser aucun mal. Lakin, il pense que cette chose, s'il la voit ou s'il l'entend, il va avoir un mal. Et Obama, toute la journée, il est fi dhiq, wa huzn, wa gham, wa ham. Pourquoi? L'annahu, il a vu un chat noir, ou il est passé sous une échelle, ou il a vu telle chose. Enfin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a interdit hada. في الحقيقة سيبور نوتر بيان, لأن المؤمن إلى عقيدة أن الأمور بيد الله عز وجل. فسي الله سبحانه وتعالى il veut que cette chose elle se passe, elle se passera. Si Allah عز وجل il a décidé que telle chose elle ne se passera pas, elle ne se passera pas. Elle m'accroche son cœur à ces choses, فوالله ça empoisonne la vie. وكثير من الجهال عياذا بالله, à cause de ce genre de aqidah qui est fondé sur des khurafats, sur des rêves, sur des ondis, sur des rumeurs, haqiqa ils se font beaucoup de mal. قال العلامه الشيخ صالح الفوزان حفظه الله, on a compris الان ولله الحمد التطير, كذلك tu trouveras le mot الطيرة, c'est la même chose. Si on a compris هذا فالمناسبة, قال حفظه الله في الملخص, لما كانت الطيرة نوعا من الشرك الذي يتنافى مع التوحيد أو ينقص كماله, عقد المصنف لهذا الباب في كتاب التوحيد تحذيرا منها. Vu que هذه الطيرة إما elle annule complètement التوحيد أو elle va diminuer ce التوحيد. سيأتي معنا إن شاء الله للتفصيل إلى حكم. Est-ce que c'est du shirk akbar asghar? Ah, c'est pour ça que Cheikhoul Islam il a cité ce chapitre dans Kitab Tawhid. لماذا لأن الطيرة هو التطير, ça fait du mal au Tawhid du muslim. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد, واعلم أن التطير ينافي التوحيد ووجه منافته له من وجهين. هذا c'est un كلام important pour comprendre le باب. Pourquoi التطير ça fait du mal au Tawhid du mu'min? À cause de deux points, Cheikh Ibn Uthaymeen, قال الأول, première chose, أن المتطير قطع توكله على الله واعتمد على غير الله. مثلا, si on donne l'exemple d'un chat noir, واحد, il veut voyager. ثم, il a vu un chat noir et il renonce à voyager. لماذا؟ لأنه, il pense أنه, il va se passer telle chose, il a آخره. هذا, في الحقيقة, il a un problème في التوكل على الله. Celui qui place sa confiance en Allah, est-ce qu'il va repousser un voyage pour ce sabab qui n'a aucun lien avec la haqiqa? Si on demande à n'importe qui, montre-nous le lien entre le voyage et ce chat noir. Ma yastatiya. Des khurafat. Il a entendu les gens dire et il a dit. Hada, ça montre un problème fi tawakkul. Amma al-mutawakkilu ala Allah, fa il place sa confiance en Allah, il fait l'asbab. S'il y a vraiment une chose qui peut lui faire du mal, même il va repousser son voyage. Mathalan, il veut voyager en voiture et sa voiture elle a un problème. Un problème de pneus, ou un problème dans le moteur, ou un problème muhim. Quelque chose qui ne va pas. Et il hésite. Thumma, il décide d'annuler le voyage. لماذا؟ لأنه, il craint de faire un accident ou de tomber en panne. Ça c'est un sebab, il est ma'akoul. Un sebab hissi. Il y en a six répare pas. Sa voiture, rubbama, il se fera du mal à lui et à d'autres. Fabien Adelhal, il repousse son voyage et il répare sa voiture. Hada wadih. Amma le lien entre le voyage et mathalan, comme il faisait l'arabe, fil jahiliya, ils voyaient tel oiseau prendre telle direction, ils annulaient leur voyage. Aïna l'ilaqa. Il n'y a aucun lien avec le haqiq. Thanien. أنه تعلق بأمر لا حقيقة له بل هو وهم وتخيل. حقيقة on a cité dans l'explication du premier point. Premier point, un manque de tawakkul. Et كذلك deuxième point, son cœur il va s'attacher, il va s'accrocher à une chose et ça n'a aucun lien avec ce qu'il veut faire. وهم وتخيل, et c'est pas une chose sahiha. Tu as l'exemple avec le chat noir. Il n'y a aucun lien avec le voyage, le haqiqa. Donc, ça fait du mal au tawhid de la personne. قال شيخ العثيمين فأي رابط بين هذا الأمر وبين ما يحصل له. مثلا, si Allah il a qadr que واحد va faire un accident. Et qui voit un chat noir ou qui voit pas ou qui passe sous une échelle ou au-dessus. Ou... Si Allah il a qadr, il a qadr. Et est-ce qu'il y a un lien entre la chose qu'il a vue ou il a entendue et l'accident? C'est pour ça que si un lien, مثلاً, tu as un problème de voiture et tu repousses ton voyage, فلا أحد يقول أن هذا من التطير أبداً. لماذا لأن il y a un lien direct où l'insan, il doit faire les causes. قال وهذا لا شك أنه يخل بالتوحيد لأن التوحيد عبادة واستعانة قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. كلام جميل. هذا صح في جمال. وتوحيد de هذا المتطير لماذا لأنه et il a un manque dans at-tawakkul et kadhalik son cœur il est accroché à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Amma al-hukm, est-ce que c'est du shirk akbar am la? Cheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah alayhi al-qawl al-mufid, il a cité un tafsil tayyib, on le résume huna, qala, et ça peut être du shirk akbar ou du shirk asghar. Qala awwalan shirk akbar أي التطير سجل الشرك أكبر مثا قال وذلك لو يعتقد أن ذلك الشيء المتطير به يجلب النفع ويدفع الضر استقلالا من دون الله. Vous vous rappelez de cette mas'ala mais يتعلق بالسبب. On l'a vu au début du livre quand on a étudié le bab sur les talismans, التمائم, tout ce qui est accroché pour repousser le mal. Enfin, si il pense que cette chose qu'il a vue c'est elle qui va emmener un mal, ou plutôt emmener un bien, ou repousser un mal. هذا c'est du shirk akbar. لماذا؟ لأنه c'est une عقيدة أن هذا الشيء يتصرف في الكون. Alors que celui qui gère cet univers et qui a tout décrété, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. هذا الاعتقاد c'est du shirk akbar. لكن غالب الناس qui font هذا الآن, qui ont cette aqida, quand ils voient un chat noir, il a un griffe. Pour eux, ils savent très bien que c'est pas le chat noir ou l'échelle qui va faire. Lakin, عندهم, ils pensent que c'est une cause. Falihada, kathirun minan nas, falhaqiqa, ils rentrent dans le deuxième qism. Qal shirkun asghar. Wadhalika law i'taqada annaha sabab. Wallahu wal musabbib li annahu ittakhadha ma laysa bisabab sababan. Cette règle taqaddamat ma'ana. Falhaqiqa, c'est pas un sabab shar'i. لماذا لأن تتخبر jamais un texte أنك tu dois pas voyager si tu as vu un oiseau aller dans telle direction, un chat noir il a akhiré. بل القرآن والسنة, on a des textes qui mettent en garde contre هذا الاعتقاد. Et كذلك c'est pas un sebab qadari, par expérience quelque chose de hissi. On a donné exemple avec la panne de voiture, il n'y a aucun lien entre toutes ces khurafates qui sont liées à التطير et ce qu'il se passe. Alors que les halles, c'est très très grave. Ne pas minimiser le shirk al-asghar. Et تقدم معنا, لأن الشرك الأصغر c'est من أكبر الذنوب. لماذا؟ لأن ça reste du shirk. Et c'est un bab, عياذ بالله, qui peut être ouvert, où l'insan il bascule, إلى الشرك الأكبر. فالإنسان يحذر من الشرك, que ce soit l'asghar ou l'akbar. ثالثا, il a cité une troisième catégorie, أن يقع شيء من التشاؤم في قلبه. لكن يدفع ويمضي فهذا لا بأس به لأن الضابط الطير ما أمضاك أو ردك كما سيأتي إن شاء الله من كلام من حديث الفضل بن عباس. رضي الله عنهما. الطيرة est un verbe طيب pour savoir est-ce que cette chose elle va rentrer vers هذا الباب أي التطير أم لا. Si une chose que tu vois ou que tu entends elle t'empêche مثلا de voyager, on parle pas d'un sabab hissi comme une panne de voiture, comme tu trouves plus tes clés, là là on parle de مثلا il a vu un chat noir ou il est passé sous une échelle, si ces choses elles t'empêchent de voyager, fa'lam anna c'est min hadha al-bab, et c'est très très grave. Thumma ça rentre, est-ce que c'est du shirk akbar asghar, ça dépend de l'aqida. Lakin huna qal la troisième catégorie yaqa shay'un min at-tajammu fi qalbi lakin yadfa' wa yamdi, hadha ça arrive khassatan ceux qui avaient cette croyance auparavant ou ceux qui vivent dans un bilad yaktur fi hadha khassatan bi sabab al-jahl, fa rubbama yaqa shay'un min hadha fi qalbi lakin il essaye de pas faire attention et il continue, matalan si doit voyager il voyage, hadha la bas, hadha il repousse et surtout il n'annule pas, si on garde l'exemple du voyage, il n'annule pas son voyage pour ses khurafat, là il le repousse, wa yukthir min dhikrillah, et haqiqa celui qui apprend sa aqid, qui apprend asma Allah ou as-sifat Allah azza wa jal, il s'écartera min hadha ash-shay, il aura la conviction أن تو بقدر الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى si veut un bien au عبد personne ne peut le repousser. Si il a décrété un mal pour un عبد personne ne peut le repousser كذلك. في الحقيقة c'est lié au علم et à l'apprentissage de عقيدة السلف. كذلك نحن on a donné des exemples ça, avec le voyage qui ne peut pas voyager. كذلك ça peut être, il a vu مثلا tel oiseau aller dans telle direction, donc il pense que c'est bien de voyager. C'est min at-tayara كذلك. On a donné نحن un exemple أنه il annule son voyage, لكن ça va dans l'autre sens كذلك. مثلا il voulait pas trop voyager, ثم il sort et il voit un oiseau aller dans telle direction et il reprend confiance et il est motivé et il voyage. هذا c'est grave. Il n'y a aucun lien. C'est la même chose. Ça va dans les deux sens. فلهذا قال الفضل ابن عباس رضي الله عنهما إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. Ça va dans les deux sens. على كل حال الحكم ça peut être du shirk akbar, ça peut être du shirk asghar par rapport à العقيدة. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال رحمه الله وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقوله قالوا طائركم معكم. قال شيخ الفوزان حفظه الله أن الله ذكر أن التطير من عمل الجاهلية والمشركين وقد ذمهم الله تعالى ومقتهم. إيه نعم. ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. فسياق هذه الآيات في الذم المشركين qui avaient cette عقيدة في التطير. Et on a cité des exemples. Et شيخ الإسلام va citer des أدلة avec d'autres exemples. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر أخرجاه ولا هامة بدون التجديد. بعضهم يقرأ ولا هامة. لا c'est autre chose, ولا هامة sans appuyer sur le mim. هذا اللي في الصحيحين. قال زاد مسلم ولا نوء ولا غول ولهما عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. قال الشيخ الفوزان حفظه الله مناسبة الحديث للباب أي سي أحاديث فيها لا طيرة سساء الشاهد أنه يدل على إبطال الطيرة وإنها اعتقاد جاهلي. فدان سي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طيرة أي يبقى دو طيرة تسا سي باطل المسلم يدوى با ساكروشي أسي شوز يسي سكي كوز الضعف لا فبلس في الإنسان. بعض الناس ربما رجل il atteint un certain âge, Obama c'est un père de famille et il a encore peur de certaines choses. Alors, il a vu telle chose, il va se passer un malheur ou il a entendu telle chose, il va se passer. Ça devient min adhaf khalqillah azza wa jalla. Là, il joue. On n'a pas le droit de se rabaisser à cause de ces croyances qui sont basées sur rien. Et ça nous montre un al-insan, plus il s'écarte du tawhid, plus il aura des faiblesses. Et plus il s'accroche au tawhid, plus, walillahi alhamd, il aura de la quwwa. Même s'il a des faiblesses dans son corps, il aura de la quwwa fi qalbih. Amma qawluhu la adwa, dans le hadith Abi Huraira, wa hadith Anas, radiyallahu anhum, qala Cheikh Al-Fawzan, al-murad bil-adwa intiqal al-marad min shakhs ila shakhs, ou min bahima ila bahima, ou min makan ila makan. La adwa, c'est la maladie, مثلاً, elle se propage de un tel à un tel. Et il va contaminer un tel. De personne à personne ou d'endroit à endroit. Fa Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala la adwa. Lakin, ça ne veut pas dire que telle maladie, elle ne va pas contaminer un tel s'il rentre en contact. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نقدم على بلد فيه الطاعون. النبي صلى الله عليه وسلم nous a interdit de rentrer dans un pays, dans une ville, dans un village où il y a الطاعون, la peste. Et كذلك il a interdit de celui qui est dans une ville, dans un pays, dans un village où il y a la peste d'en sortir. Il risque de contaminer les autres. Je ne peux pas comprendre من هذا الحديث أن on ne croit pas que telle maladie elle peut pas contaminer un tel. Là, c'est pas ça le mourad. فقد يقول قائل فما معنى قوله معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى. قال الشيخ الفوزان والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينفي هذا. Est-ce qu'on vient de citer précédemment? إنما ينفي العدوى التي كان يعتقدها أهل الجاهلية من أن المرض يتعدى بنفسه وبدون تقدير الله سبحانه وتعالى. فالمحذور c'est de penser que هذا الشيء سيفا بقدر الله. Et que cette maladie, elle va contaminer un tel binafsiha, et on ne croit pas au qadr. Ça, c'est grave. لماذا قال السبب لها هو الله تعالى قد يقرب الصحيح من المريض لا يصيبه شيء وقد يقرب ويصاب. فلهذا tu peux être en contact avec واحد qui a une maladie contagieuse et tu n'as rien بإذن الله عز وجل. لماذا لأن نتعقد عليه بالله الله كيف يسكيل عز وجل. Et بعضهم ils sont en contact avec واحد qui a une maladie contagieuse et ils tombent malade. على كل حال on a cette عقيدة أن الأمر لبيد الله عز وجل. كذلك on fait الأسباب. Si les docteurs ils ont mis en garde d'approcher un tel ou tel endroit لأن cette maladie elle peut toucher l'insan, on prend des précautions. لكن avec cette عقيدة أن الله سبحانه وتعالى سلوي كاتو ديكريتي. قال أما أهل الجاهلية لا يفرقون كل من قارب المرض لا يفرقون كل من قارب المريض أنه يصاب ولا ينسبون هذا إلى قضاء الله وقدره ولا يتوكلون على الله سبحانه وتعالى. عندهم يزون عقيدة أن سلوي كي أبروش فرسمون يسوغا كونتاميني. نعم لا ينسبون هذا الشيء لقدر الله. يديس با إن شاء الله. Si Allah il veut, si Allah il a décrété. Ça nous montre. Haqiqan, on doit faire attention. Ça y est, il y a un des abouab. On doit faire attention de ne pas oublier le qadr. Ça arrive. Ça y est, il y a un des abouab. De ne pas dire c'est grâce à Foulan. Et oublier le qadr. Ça y est, il y a un des abouab. Et là, c'est de ce qu'il y a. À la hal, la adwa, avec l'explication de Cheikh Al-Fawzan, c'est wadih. قوله لا طيرة قال هذا النهي معناه النهي لا طيرة أي للا dans la langue arabe هنا c'est للنهي أي on n'a pas le droit d'avoir cette croyance أي في الطيرة أي toutes ces خرافات. قال وإن كان الإنسان يجد في نفسه شيئا فلا يمنع ما يجد في نفسه من المضي والعزم لأن إيمانه يسوقه بخلاف ضعيف الإيمان فإن التشاؤم يتغلب عليه فيتراجع. هذا تلتخوف عند بعض العوام. ربما تلي montre أنه يا aucun lien لكن il peut plus faire cette chose. S'il a vu un chat noir ou il est passé sous une échelle ou وبعضهم يزون عقيدة أن تُبَّ بَلَغَ تَزَابِتَ الْجُورِ وبعض النساء إلى يومنا هذا أن ne lavent pas leurs vêtements مثلا le samedi بعضهم يزون عقيدة le mercredi أو ne pas faire le ménage tel jour أو ne pas faire telle chose la nuit. Si tu leur demandes des adillah, ils n'ont aucun délit. Et les l'asaf, ils s'accrochent beaucoup à ces choses, alors qu'il n'y a aucun délit. Thumma, une mas'ala qui fait beaucoup de mal. Matalan, ash-shirku billah. Matalan, sacrifier pour les morts. Matalan, jurer par autre qu'Allah. Matalan, le mensonge. Matalan, la médisance. Tu montres à ha'oulay bil adillah, c'est très très grave. C'est une cause qui pousse l'insan vina. Tu les trouves, ils ont un tasahul. Ma'a annahu ya'un dalil min ash-shar'. Les autres choses, il n'y a aucun dalil et ils sont accrochés. Limada, le cœur. Le cœur, quand il est occupé par le khurafat, il a du mal à se soumettre à Rabb al-Alamin, Azza wa Jal. Allez, hada, l'importance d'étudier hada tawhid, de nettoyer son cœur. Pourquoi ba'd an-nas, ils n'arrivent pas à appliquer certaines adorations? Limada, liana le cœur. C'est pas un problème de se mettre 5 minutes ou 10 minutes debout pour salat. L'autre moment, il reste des heures au travail debout. Et il n'arrive pas à se mettre debout pour salat. C'est trop lourd pour lui. Le cœur. Al-Khurafat, ça fait beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Et on éduque nos enfants à la tawhid. Al-Aba ou Al-Ummat, ils font des graves erreurs dans l'éducation de leurs enfants depuis qu'ils sont-ils les habitués à had. Si l'enfant il est bruyant, ils disent à leur enfant, si t'arrêtes pas, ben je vais appeler un tel, et ici des noms, des khurafat, où ils font peur du noir. Et l'enfant il devient min ajbun al-atfal. Et il grandit à la hada dha'f. On n'a pas le droit. Ton enfant, s'il fait des choses qui ne sont pas bien, khawifhu billah. Comme min adillah qui doit obéir à ses parents, qui ne doit pas faire de mal. Et tu lui montres, annahu, il n'a pas le droit. Et tu lui montres qu'il n'a pas le droit de faire mal aux autres, et tu lui montres qu'il doit obéir, tu lui montres qu'il doit faire salat. Tout ça, et son cœur, on essaye de d'aïman le faire peur avec le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec des versets. Il a akhri. Et quand il fait quelque chose de bien, on l'encourage. Annahu, si il obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, il obéit à ses parents, il a akhri, il aura telle récompense. Ahada, c'est ça le tarbiya sahiha. Tu trouves certains garçons, al-banat akhtar, dans les filles encore plus, on a pas mal à 14, 15, 16 ans, elle a encore peur du noir, elle a encore peur de telle chose. Pourquoi? Ibn Umar, radiyallahu anhu, il s'est présenté pour faire le jihad, fi ghazwati Uhud, ma'a nabi sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, ma'a sahaba radiyallahu anhu, et il n'était pas encore pubère. Enfin, c'est pour ça que le nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas accepté. Donc, il devait avoir 12 ans, 11 ans, maximum 13 ans. Il était déjà prêt. Allez, hada, ils l'ont présenté. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit pas maintenant, et il n'a pas été accepté, il était trop jeune. Mais si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui aurait donné l'autorisation, il serait parti ma'ahum. 12 ans, 13 ans, ils sont déjà prêts à vers le jihad. Ibn Umar radiyallahu anhu, il a été élevé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son père, c'était Umar ibn al-Khattab, al-Shuja' radiyallahu anhu. C'est ça le dha'f. Fait l'umma. C'est pas un problème d'argent, un problème de moyens ou un problème de nombre. Les muslimoun kathiroun. Et les moyens, et on a beaucoup. Lakin, la faiblesse, c'est fi hada. Une mauvaise aqida. Thumma l'insan la yasbir. Ba'douhoum, ils arrivent à patienter la solitude. Rubbama, il est vini'ma. Il est vini'ma, il a akhiri, et il n'arrive pas à être tout seul. هذا يبقى patienté sur grand chose. قال شيخ الفوزان قوله صلى الله عليه وسلم ولا هامة الهامة بتخفيف الميم الطائر يسمى البومة c'est un oiseau qui vit la nuit. البومة il l'appelle البومة, il l'appelle هامة, اي c'est l'ibou, la chouette, et c'est ce genre d'oiseau qui vit la nuit. قال وكان العرب يتشائمون به إذا وقع على بيت أحدهم كانوا يتشائمون بها ويقولون البوم لا يقع إلا على الخراب فهذا من عقيدة الجاهلية إلى يومنا هذا بعضهم إذا encore cette عقيدة أنهم سات وازو كي بلا نوي أي ليبو ولا شويت سي يسبوز سور اون ميزون تشاؤم أن سات وازو كونت يسبوز سور ان اندروا فسات اندروا يدفين خراب إما يسفيد إما les habitants, la famille qui sont dedans, ils tombent malades ou ils deviennent pauvres. هذه العقيدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ما. Hey, ça n'existe pas, هذا. C'est du كذب. كم من بيوت الآن, la nuit, des hiboux, des chouettes, elles se posent sur les toits. Alhamdulillah, on ne les voit pas, on dort et il ne se passe rien du tout. Ça te montre que c'est une khurafa. Ce qui fait du mal aux familles, c'est quoi? C'est shirk. C'est la mixité. C'est tout ce qui est drogue. C'est l'usure. Combien de familles, pardon, ils ont été conseillés, ils achètent une maison avec l'usure, avec le riba. Mais Allah subhanahu wa ta'ala tawa'ada celui qui prend, qui utilise l'argent de riba, bil harb. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui déclare la guerre. C'est très très grave. Et si Allah il déclare la guerre à Wahid, va aïna yada. Probablement, il va être touché par des maladies, par la pauvreté, par beaucoup de choses. Ah, tu trouves, ils s'entêtent à faire des crédits. Et pour eux, c'est normal. Même tu lui cites les adillah, il te répondra, mais le qardaoui, il a dit, mais Foulan, il a dit. Summa, une khurafa, qui peut rien lui faire, ni à lui, ni à sa famille, ni à sa maison, un hibou qui se pose sur le bait, probablement, il le voit, et il désespère. Et il a peur. Ah, là, c'est ça qui fait du mal. حقيقة هذا باب التطير كثير من الناس أي on parle ممن ينتسب إلى الإسلام et ils sont encore dans ces khurafats. ربما مسلم c'est un مسلم il fait الصلاة إلى آخره لكن il a cette عقيدة qui lui fait du mal à son tawhid même si ça reste un مسلم tant qu'il n'a pas la croyance que c'est la chose elle-même qui peut lui donner un bien ou lui faire du mal. قال ولا صفر dans le hadith ولا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. المراد هنا بالصفر شهر صفر c'est le mois de صفر أي parmi les mois de l'égir le mois de صفر. قال الشيخ الفوزان لأنهم كانوا في الجاهلية يتشاءمون بهذا الشهر فلا يتزوجون فيه ولا يسافرون إلى يومنا هذا. Que ce soit في الصفر أو le samedi il ne faut pas laver les vêtements أو il ne faut pas faire la vaisselle tel jour c'est من هذا الباب. فِي الْجَاهِلِيَّةِ le mois de Safar pour eux c'était pas bien de se marier et de voyager. Enfin, ils évitaient de faire ces choses là pendant le mois de Safar. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا سفر ولا سفر. Il n'y a pas toutes ces choses. Cette croyance elle est fondée sur rien. بل c'est من التخيلات من وساوس الشيطان. وبعضهم يقولون أن المراد بسفر c'est مرض يكون في المعدة et على كل حال c'est fondé sur du باطل. قال وزاد مسلم ولا نوء ولا غول. أما قوله ولا نوء النوء c'est lié avec les étoiles. سيأتي معنا إن شاء الله في باب التنجيم أي le باب suivant إن شاء الله on détaillera هناك. أما قوله ولا غول قال الغول بضم الغين من أعمال الشياطين تتشكل أمام الناس في الفلوات خصوصا إذا استوحش الإنسان تتشكل أمامه أشياء تضله عن الطريق إما بأن يرى أمامه نارا تتنقل أو صوتا يسمعها أو غير ذلك. الإنسان لا يلتفت إلى هذا أساس من الشيطان. ربما الإنسان سيلي توسل dans un endroit خاصة سيلي ضعيف التوحيد et il se sent mal et il commence à avoir peur. Farubama, Shaitan, il essaye de le faire peur avec des bruits en lui faisant croire qu'il y a telle chose. Hada kadhalik, l'insan yatawakkal ala Allah. Et il ne fait pas attention à ces choses. Et celui qui est qawi, al-tawhid, la tawhid qawi, et il a étudié al-asma wa sifat, wa yatawakkal ala Allah, falhamdulillah. Shaitan, quand il voyait Umar, il changeait de chemin. Pourquoi? لأن عمر رضي الله عنه صحابي جليل. Le prophète صلى الله عليه وسلم lui a annoncé أنه il rentrerait في الجنة. Il était vivant. Il fait partie de المباشرين. الشيطان كان يفر من عمر. Quand il voyait عمر, الشيطان il se sauve. Ça nous montre que الشيطان il est ضعيف. Ils ont élevé Hada Shaitan, ils ont peur de lui, qu'Allah, il peut faire, il a akhri, alors que il peut rien faire, illa ayyasha Allah. Celui qui remplit son cœur de iman, toutes ces khurafat, inshallah, elles disparaîtront. Et celui qui s'est habitué, et il essaye d'enlever Hada, il fait des efforts. Et quand ça rentre dans son cœur, yajtahid, il repousse. Et s'il doit voyager, il voyage. S'il doit faire telle chose, il fait telle chose. Et il tawakkal ala Allah. Et il apprend son din. Wa yukthir min qira'at al-Qur'an. Il apprend les noms d'Allah, les attributs d'Allah Azza wa Jalla. Il apprend sa aqida. Il lit la biographie des salaf. Walhamdulillah, ça va lui renforcer son iman. Thumma qala, ay hadith Anas radiyallahu anhu, wa yu'jibuni al-fa'l. قال الشيخ الفوزان الفأل تأميل الخير والطيرة تأميل الشر وسيأتي هذا من كلام الشيخ سعدي رحمه الله تعالى quand on lira le شرح on va voir la différence entre التفاؤل والتطير قال رحمه الله ولأبي داود بسند صحيح عن عروة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا تأتي أو لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى مناسبة الحديث أن به إبطال الطيرة وبيان ما تدفع به واستثنى الفأل منها وسيأتي إن شاء الله معنا الفأل أما هذا الحديث ضعيف في الحاشية قال ضعفه الشيخ الألباني قال الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة ضعيف الإسناد قال وله من حديث ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك الطيرة الشرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود رضي الله عنه على فان الحديث وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل ça c'est la parole d'Ibn Mas'ud رضي الله عنه أما هنا vous avez remarqué dans le matn ils ont mis en gras comme si c'était la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam elle s'arrête à tiyaratu shirk thumma huna ça s'arrête la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam thumma ibn Mas'ud qala wa ma minna illa walakin Allah yudhhibuhu bitawakkul et chacun de nous ça peut lui arriver à ça lakin il fait des efforts et ça disparaît avec at-tawakkul wa ba'd al-ulama qalu anna c'est min kalam an-nabi sallallahu alayhi wa sallam نعم قال هنا الصحيح وآخره مدرج أي من كلام ابن مسعود رضي الله عنه صححه الإمام الألباني في الصحيحة وكذلك الشيخ مقبل رحمه الله في الصحيح المسند ثم قال ولأحمد من حديث ابن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك قالوا فما كفارة ذلك قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك وله من حديث الفضل بن عباس إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك نعم أما حديث ابن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك إلى آخره فهذا قال في الحاشية صححه الإمام الألباني رحمه الله أما حديث الفضل بن عباس إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك فهذا فيه ضعف على كل حال هذا الباب إليه مهم قال الشيخ الفوزان حفظه الله فالحاصل أن الطيرة تعالج بهذه الأمور الثلاثة أي celui qui est éprouvé par هذا أي quand il voit telle chose il entend telle chose ربما ça l'empêche de faire une chose هذا il y a des moyens pour se débarrasser de cette chose et de cette aqida batila. الأول التوكل على الله et place sa confiance en Allah. ثانيا المضي وعدم التأثر بها. Et ça c'est important. Même s'il ressent dans son cœur une chose, s'il doit voyager, il voyage. Et surtout, il annule pas. La chose qui l'a empêché de voyager, c'est cette aqidah, et c'est pas bon, c'est du shirk asrar. S'il pense que c'est un sabab. Voilà. Il continue à faire ce qu'il doit faire. Thalithan, an tad'u bi hadhihi ad-da'wat al-warida fi hadhihi al-ahadith. Na'am. In sahhat هذه الدعوات بيان سور الصحيح منها وكذلك قراءة القرآن بوكو دو أدعية أذكار في هذا الباب. قال العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: باب الطيرة وهو التشاؤم بالطيور والأسماء والألفاظ والبقاع وبعضهم حتى الاسم. S'il entend telle ville, elle a tel nom, ou telle personne, il a tel nom, Obama, il ne peut pas voyager ma'a. قال وغيرها فنهى الشارع عن التطير وذم المتطيرين وكان يحب الفأل ويكره الطيارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يميل الفأل et déteste الطيارة. قال والفرق بينهما أن الفأل الحسن لا يدخل بعقيدة الإنسان ولا بعقله وليس فيه تعليق القلب بغير الله بل فيه من المصلحة النشاط والسرور وتقوية النفوس على المطالب النافعة. مثلا واحد il est sorti pour voyager et il voit une bonne chose, que ce soit un animal ou il entend un kalam tayyib, une personne qui passe et il dit un kalam tayyib. هذا en arabe ça s'appelle التفاؤل. Et avant de voyager il a vu quelque chose de tayyib, il a entendu une bonne parole. هذا لا شيء. بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التفاؤل. الإنسان يتوكل على الله يحسن الظن بالله. Et bien sûr, et c'est ça la différence avec الطيارة, ça l'empêche pas de voyager cette chose. Ou il devait faire une chose et il l'annule. Ou il s'accroche, il place sa confiance en autre qu'Allah. لا. أما الطيارة, c'est l'inverse. قال بل فيه من المصلحة النشاط والسرور وتقوية النفوس على المطالب النافعة وصفة ذلك أن يعزم العبد على سفر أو زواج أو عقد من العقول أو على حالة من الأحوال المهمة ثم يرى في تلك الحال ما يسره. مثلا واحد يريد أن يتزوج et sur le chemin il voit quelque chose de طيب أو il entend une parole طيبة. الحمد لله. الحقيقة ça va rien changer. لكن ça le motive إلى آخره فالحمد لله. قال مثال مثل يا راشد أو سالم أو غانم. راشد ça vient de rouge, de la guider. Maintenant il entend ce اسم. هذا c'est من التفاؤل. يحسن الظن بالله et إن شاء الله ce qu'il va faire ça sera du خير. فيتفاؤل ويزداد طمعه في تيسير ذلك الأمر الذي عزم عليه وهذا كله خير وآثاره خير وليس فيه من المحاذير شيء. لماذا؟ لأن ça l'empêche pas de faire une chose. Et كذلك هذا المؤمن sa confiance elle est placée en Allah سبحانه وتعالى. قال وأما الطيرة فإنه إذا عزم على فعل شيء من ذلك من الأمور النافعة في الدين أو في الدنيا ويرى أو يسمع ما يكره أثر في قلبه أحد أمرين أحدهما أعظم من الآخر. الطيرة سيفوي une chose ou il entend une chose, une mauvaise parole, ou il voit une mauvaise chose, et cette chose, ça l'empêche de faire ce qu'il voulait faire. Si on garde l'exemple du voyage. قال أحدهما أن يستجيب لذلك الداعي فيترك ما كان عزما على فعله أو بالعكس فيتطير بذلك وينقص عن الأمر الذي كان عازما عليه وهذا كما ترى قد علق قلبه بذلك المكروه غاية التعليق وعمل عليه. هذا cette croyance لا شك أن c'est la cause pour laquelle il a changé d'avis. مثلا il voyage plus. قال وتصرف ذلك المكروه في إرادته وعزمه وعمله فلا شك أنه على هذا الوجه أثر على إيمانه وأخل بتوحيده وتوكله. لا شك أنه صفي du mal à son إيمان. لأن au lieu de placer sa confiance en Allah, au lieu de ne craindre que Allah سبحانه وتعالى, au lieu d'avoir la ferme conviction أن tout est écrit et de continuer à faire, il annule. هذا صفي du mal à son توحيد. لا شك حتى le fait d'annuler c'est من قدر الله. لكن هو sa confiance في هذا الحال elle n'est pas في الله عز وجل. لماذا؟ لأن cette chose مخلوقة ضعيفة ربما l'empêche de faire une chose alors qu'il n'y a aucun lien. Et ça c'est important. أما si y a un lien, on a donné plusieurs exemples, هذا ça n'a rien à voir. قال وأخل بتوحيده وتوكله ثم بعد هذا لا تسأل عما سيحدث أو ما سيحدثه له هذا الأمر من ضعف القلب ووهنه وخوفه من المخلوقين. C'est ce qu'on a cité auparavant. أن celui qui s'habitue à هذا et il a cette عقيدة عيدًا بالله tu le trouveras أنه il est ضعيف جدا. Il aura peur des makhlouqs, des créatures, la moindre chose, Obama, il fera marche arrière, tout ça à cause de cette croyance. Amma, celui qui place sa confiance en Allah, Azza wa Jalla, il sera qawi. Il aura de la force. Et il ne craindra que Allah, subhanahu wa ta'ala. قال وتعلقه بالأسباب وبأمور ليست أسبابا. Deux choses. Amma, si c'est pas un sabab, on n'a pas le droit. C'est واضح. مثلا, on a donné l'exemple d'un chat noir qui empêche une personne de voyager. Ça n'a aucun lien, c'est pas un sabab. Lakin, même l'asbab, on n'a pas le droit de s'accrocher au sabab et d'oublier al-qadr. Là, al-sabab, on le fait parce que c'est un sabab. Et celui qui donne, celui qui repousse le mal, c'est Allah, Azza wa Jal. Enfin, l'asbab, on les fait, lakin, sans exagérer. Al-asbab, c'est les causes. قال وانقطع قلبه من تعلقه بالله وهذا من ضعف التوحيد والتوكل ومن طرق الشرك ووسائله ومن الخرافات المفسدة للعقل. Ça fait du mal au tawhid, ça fait du mal à la foi et ça fait du mal au aql. C'est pour ça que tu trouves هؤلاء حقيقة ils font des choses حتى la raison الفطرة elle n'accepte pas ces choses. قال الأمر الثاني أن لا يستجيب لذلك الداعي ولكنه يؤثر في قلبه حزنا ووهما وغما. Premier cas, أنه ça l'empêche de voyager. On garde notre exemple du voyage. Deuxième cas, ça l'empêche pas de voyager, لكن ça le rend triste. Et il y a quelque chose dans son cœur. تقدم معنا من كلام شيخ ابن تيمية. Là, je sais que c'est moins grave. لكن حتى هذا, il doit tout faire pour l'enlever. لأن ربما ça le pousse à ne pas voyager, à ne pas faire ce qu'il voulait faire. قال ولكنه يؤثر في قلبه حزنا وهما وغما هذا وإن كان دون الأول لكنه شر وضرر على العبد وضعف لقلبه وموهن لتوكله وربما أصابه مكروه فظن أنه من ذلك الأمر. Peut-être que si il voyage, لكن dans son cœur il y a شيء من هذه العقيدة الفاسدة. Et il lui arrive quelque chose, peut-être qu'il va croire que c'est à cause de ce qu'il a vu ou il a entendu. Et là, ça devient grave. Là, أفضل البشر, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été éprouvé. Il a été blessé, il a connu la pauvreté. Dunya hadi, darbala. Mushkila, vous avez remarqué, dans tous ces abois, tout ce qui concerne les épreuves, anna wa'adhan nas, ils ont oublié, ils ont oublié, ils sont fi ad-dunya. On n'est pas fi al-jannah. Ad-dunya, c'est dar al-bala wa al-imti'an. Celui qui connaît les textes à ce sujet, car qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam, ashadda an-nas bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam yubtala al-mar ala qadr ad-dini. Hay l'insan, il est éprouvé par rapport à sa foi. Donc si Allah il éprouve quelqu'un, c'est qu'il l'aime. Celui qui connaît ces textes, il sera prêt. S'il est touché par une épreuve, il patientera et il se rappellera la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre modèle à tous. Amma al-ba'd, tellement qu'ils se sont écartés du ilm et ils sont fi dunya layl nahar, ils pensent qu'au confort. Enfin, s'ils sont touchés par quelque chose, la yasbirun. On n'est pas fi al-jannah. Tu tombes malade, ça arrive. Tu as un problème quand tu voyages, ça arrive. L'amr sahl. Insan est patient et alhamdulillah. Tu es touché par une épreuve. Enfin, ça va passer. Inna ma'al usri yusra. Là, vous avez remarqué, on vit une époque, en l'insan, ba'dhum, ils ne veulent pas être touchés. Ni une maladie, ni une épreuve. Ou la chay. Allez, quand il leur arrive quelque chose, ba'dhum, imma les sorciers, imma ils désespèrent. إما يفعلون الشوز très très grave في الحرام. Pourquoi? لأنهم ils sont pas prêts. Et c'est quoi qui va nous aider à être prêts? Et ça tu le vois. Tu as deux catégories de personnes dans les épreuves. Une catégorie qui est prête et une autre qui n'est pas prête. Ceux qui sont prêts, c'est ceux qui donnent de l'importance au din, donnent de l'importance au ilm. Ils étudient la biographie du professeur sallam, ils étudient leur aqida, ils lisent le Coran. Combien d'épreuves les prophètes et les messagers alayhim salatu wassalam, ils ont subi? Combien? Youssef alayhi salatu wassalam, il a connu la prison. C'est une épreuve. Si un de nous connaît la prison ou un de ses proches, on patiente. Youssef qui était meilleur que nous, c'est un messager, un prophète alayhi salatu wassalam, il a été éprouvé par Allah, alhamdulillah, il est sorti, c'est un khayr, on patiente. Ayoub alayhi salam, il a connu la maladie. Celui qui est éprouvé par la maladie ou un de ses proches, il yasbir. La'allah, c'est un khayr. C'est pour ça que Allah il a éprouvé son prophète Ayoub alayhi salatu wassalam par la maladie. Et Ibrahim alayhi salatu wassalam, ils l'ont jeté dans le feu. Moussa alayhi salatu wassalam, il a été chassé par Fir'aoun. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a subi beaucoup d'épreuves. Hada. Si on a ces modèles et on connaît leur histoire, et jour après jour on lit, on apprend, quand on est touché par une épreuve, tu es prêt. Amma, celui qui a comme modèle al-kafar al-fasaqa, ils sont dans le confort, les nahar, ils pensent que de dunya. Si tu lui enlèves shay min dunya, une chose de dunya, que ce soit la santé, ou l'argent, ou l'homme, son confort, Rabbama, il ne patiente pas. La mort d'un proche, Rabbama, il ne patiente pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a perdu tous ses enfants. Les garçons, ils sont morts, les filles, elles sont mortes. Radiallahu anhum, il n'y a que Fatima, radiallahu anha, qui est restée. Tous ses enfants, ils sont morts, que Fatima. Thumma, il est mort, alayhi sallam, elle est morte juste après lui. C'est des épreuves. Il a perdu les proches et les enfants, ta'lamoun, c'est les personnes les plus proches. Ma'hada, il a patienté. Enfin, pourquoi nous, on ne patienterait pas? Ma'annahu, c'est min qadarillah, que tu patientes ou pas, l'akhira, ça ne changera rien. Et ton enfant, il ne reviendra pas. Ma'hada, c'est important. L'insan, il doit se préparer. Il y en a, les épreuves, elles viendront tant que l'insan, il est vivant. Qala. الأمر الثاني أنه لا يستجيب لذلك الداعي ولكنه يؤثر في قلبه حزنا وهما وغما فهذا وإن كان دون الأول لكنه شر وضرر على العبد وضعف لقلبه وموين لتوكله وربما أصابه مكروه فظن أنه من ذلك الأمر فقوي تطيره وربما تدرج به إلى الأمر الأول. Ça peut le pousser à tomber dans le premier cas et croire à ces choses qu'il voit, ça peut lui faire du mal et annuler ses projets. فهذا التفصيل يبين لك وجه كراهة الشارع للطيرة وذمها ووجه منافاتها للتوحيد والتوكل وينبغي لمن وجد شيئا من ذلك وخاف أن تغلبه الدواعي الطبيعية أن يجاهد نفسه على دفعها. Ça peut arriver à l'insan les toucher, surtout s'il vit dans un endroit, dans une famille, ils ont grandi avec ces khurafat, et il n'y a pas beaucoup d'ilm. Mais quand il apprend que c'est haram, il fait des efforts. Et il repousse ça, Hadashi. Et il apprend son tawhid, il apprend sa aqida. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. Qala, wa yasta'inu billahi ala dhalik. Kadhalik, il demande de l'aide à Allah, subhanahu wa ta'ala. Annahu yuqawwi qalbah, yuthabbit qalbah. Qala, wa la yarkan ilayha biwajhin liyandavi'a sharru anha. Et non. Surtout, il ne suit pas ces choses. Anahu, son cœur, il penche. Anahu, il a vu telle chose. Là, ferme la porte et continue à faire la chose. Et tu verras qu'il n'y aura que ce que Allah il a décrété, subhanahu wa ta'ala. Et هذا الشر, il s'éloignera de toi, بإذن الله. هذا الباب. Il est مهم, باب الطيرة. فغيفز له. وبالله التوفيق.